Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Kéman. Bonjour. Bonjour Doug. Bonjour. Comment ça va-t-il aujourd'hui? Eh ben ça va super. Trop tip top méga cool. Eh bien, matin douceur, matin du mardi 4 avril. 14 avril. Oula, 4 avril, oula, non. 14 avril. Pas de journée internationale aujourd'hui. Voilà, je sais que vous êtes tous déçus. Il n'y a pas de journée internationale. Par contre, aux USA, ils ont toujours des idées de merde. Du coup, ils font toujours des journées comme ça, qui n'ont pas de sens. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est la National Pecan Day, le jour de la noix de pécan. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est aussi le National Moment of Laughter Day, c'est-à-dire la journée du rire. Waouh! Voilà. Et eh ben, on va beaucoup rigoler aujourd'hui. Non. Moi, je décide de pas rire cette journée-là en contestation. Parce que pour moi, la journée du rire, c'est tous les autres jours. Et ça devrait pas y avoir une journée unique. Donc aujourd'hui, je rigolerai pas une seule fois, j'annonce. Alors, c'est vrai, parce que j'ai fait une blague tout à l'heure, il n'a pas ri. Non, alors ça a un autre lien de causalité. C'est peut-être dans le fait qu'elle était pas drôle. En plus, c'était même pas ce matin, je suis encore sur celle d'hier. Ah bah ça dépend, je sais pas de quoi vous parlez, vous avez déjà fait quelques blagues. Ah ouais, non, mais d'accord, non, on va pas en parler. Donc, écoutez, moi je vais essayer de faire rire Kéman aujourd'hui. Parce que sinon, j'ai vraiment passé une journée de merde s'il rigole pas. Je serais intraitable. Je m'inquiète plus pour Doug, je dois dire. Ah, c'est horrible ce gif. Ouais, d'accord, ok. Envoyez-nous vos meilleurs rires. Par contre, moi j'ai toussé. J'annonce. Eh bien, aujourd'hui, nous souhaitons une très bonne fête à plusieurs personnes. Là, c'est le festival de la fête. Franchement, il y en a plein. Bonne fête au Maxime, au Bérénice, au Ludivine et au Lambert. Sauf Lambert Wilson. Pourquoi il y a autant de gens sur cette journée pas. De fête? Aujourd'hui, là, c'est quoi le bordel? Il y a plein de gens. Ils n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Il n'y a même pas de première lettre en commun. Si, Ludivine Maxime, et Lambert. Maxime, Bérénice, mais... Ludivine, Lambert. Non mais... En fait, c'est parce qu'il y a une arnaque, c'est que, en gros, tu peux fêter les saints à chaque fois qu'il y a un saint qui portait ton nom qui est mort. Ouais. Et vu que pour certains prénoms, il y a au moins 4000 personnes qui ont été, canonisées après, bah, techniquement, t'as 40 000 fêtes par année. Bah. Ah ouais, donc les gens qui ont des prénoms un peu courants, ils ont 5 fois leur fête dans l'année, quoi. Ouais, genre Antoine, par exemple, je sais qu'il y a au moins 6 jours dans l'année où techniquement, il y a un saint Antoine qui est mort. Putain, et moi j'ai pas un seul jour à mon nom, quoi. Franchement. Mais non. Et ils auraient pas pu se démerder, bande de trouducs. Franchement, je trouve ça scandaleux. Les catholiques, vous êtes tous des cons. Mais au pire, t'as qu'à te faire canoniser à ta mort. Ouais. Comme ça, après, tous les canons qui suivent, ils te remercieront. Ouais, je sais pas, parce que ça veut dire que ça deviendrait un prénom, un vrai prénom. Et je sais pas si ils me remercieraient vraiment. Ouais, mais si ton prénom finit dans le calendrier, ça foutra les boules à Eric Zemmour. Ah, ben ouais, c'est vrai, rien que pour ça, ça fait rêver. Et donc, aujourd'hui, comme fait, il y a un dicton que j'ai vu, j'ai trouvé marrant. Si Saint Lambert est plus vieux, suivent 9 jours dangereux. Il est plus vieux que qui? Je comprends pas la référence. Waouh. Putain, Kéman. Il y a aucun sens là-dedans. Donc bah voilà, s'il pleut, attention. En attendant, pour l'instant, à la Roxière, il fait beau. Aujourd'hui, on va passer à des petits trucs qui se sont passés un 14 avril. Hein ? Ah ouais. Allez, il y a quelques petits trucs sympatoches. Par exemple, 14 avril 1912. Vous l'avez ? Vous l'avez pas ? Mais si vous l'avez, c'est le naufrage du Titanic. Vous voyez, là, il y a 108 ans, et bien il y avait des gens en train de mourir. Voilà. J'allais faire jouer du violon sur le desk. C'était pourquoi en train de jouer? Alors, En fait, vous avez pas eu l'image, mais moi, l'image, c'était Chloé qui mime en train, quelqu'un en train de jouer du violon, et en même temps, elle dit des gens en train de mourir, et c'était pas tellement en adéquation, j'ai pas compris ce qui se passait, même si, bon, j'ai eu l'image après, Titanic, tout ça. J'aurais pu en sauver plus. Non, c'est pas ça. Non. Bah, dites-nous vos meilleures répliques de Titanic. Allez, c'est parti. 14 avril 1931, première retransmission d'une image de télévision en France. Ha ! Ça vous la coupe, hein ? C'était quoi l'image ? Je ne sais pas. Bah super, on a que la moitié des informations. Bah ouais, alors, bon, première image sur les... Bah ouais, écoutez, je fais ça à l'arrache, hein. C'est une émission qui est peu préparée de mon côté, je tiens à préciser. Bah alors le problème c'est que moi quand je tape ça sur Google on me dit que c'est le 26 avril 1935 donc on a des petits... Mais en France ? Ouais. Sous l'impulsion de Georges Mordel, alors ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. La première émission officielle de télévision française est diffusée depuis le ministère des PTT situé rue de Grenelle à Paris. Je fais une voix des années 30, hein, excusez-moi. Donc on n'est pas sur les mêmes rapports. Excuse-moi là, regarde, il y a 84 ans, 15 avril. Peut-être que oui, ça mais 15 avril. La transmission a commencé en 31, mais c'était là, tellement long que ça a fini si en 35. Tu vas dans l'autre, avant, il y avait écrit 14 avril. Bon, on continue et on vous tient au courant. Hein. Tiens, c'est donc le 14 avril 1931. La première émission, c'est plus tard, ok. Par René Barthélémy. Oh. C'est un reportage, apparemment. Le fameux. Oui, le fameux. Alors, il y a Jean-Jean qui nous dit « Je ne suis pas un hibou. Est-ce que c'est une réplique de Titanic, ça ?» Parce que je l'ai pas. Et il y a Joseph qui nous dit « C'était déjà Hanouna. » À l'époque, bah oui, bien sûr. Non, non, c'était pas déjà Hanouna. Alors... Il était déjà en train de mettre des nudes dans le slip de ses, de ses chroniqueurs. Ouais. Ouais. Alors, 14 avril... Dans le slip de Léon Blum. Putain. Ah, t'es con, Léon, hein. 14 avril 1958, c'est la désintégration du satellite Sputnik 2, qui transportait la chaîne Laika. Elle a été mise en orbite le 3 novembre 1957 et le pauvre toutou était mort juste après. Oui, bah j'imagine que quand l'habitat dans lequel on se trouve il est désintégré, on décède dans non, la même... Non, mais peu après la mise en orbite, elle est décédée la chaîne ah, et oui. Après il s'est désintégré le 14 avril. Je crois qu'il n'y avait pas de système de survie pour la chaîne. Bah non, ils l'ont juste envoyé comme ça, ces bâtards. Je crois même qu'en gros, pour pas qu'elle souffre, genre, elle avait un distributeur de croquettes et les dernières croquettes étaient empoisonnées pour pas qu'elle puisse souffrir. Bon. Super. Ouais, quand même. Pour Yuri Gagarin, après, ils ont un peu amélioré le système quand même. Putain. Ah bah. Ils ont fait ça avec des M&M's. Les croquettes étaient du Frolix pour Yuri. Alors bah écoutez, si vous êtes si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bah déjà bon anniversaire. Et si c'est votre anniversaire, et eh bien sachez que vous partagez votre anniversaire avec plusieurs personnages un peu connus. Et eh bien le premier c'est Robert Doisneau, qui est né bah du coup le 14 avril 1912. Oh bah voilà. Et donc le jour du naufrage du Titanic, si vous suivez bien. Voilà. Bravo. Ouais. Celui qui embrasse des gens qui se roulent des pelles à Paris. Oui. Avec un consentement peut-être un peu limité des fois, non? Ouais, des fois ils squattaient un peu chez eux. Mais chérie, c'est qui ce monsieur qui nous regarde prendre notre ouais, douche? Ouais, c'est Robert, c'est Bobby. Oh, il prend des photos, t'inquiète, il sera hyper connu dans 50 ans. De toute façon, t'as pas le choix. Et bien également aujourd'hui, l'anniversaire de Jean-Paul Casterman. Le même gars qui a fondé les éditions Casterman. Mmh. Je suis sûre que vous avez tous un livre Casterman chez vous. Ou de la Bédax. Beaucoup de BD, oui. D'ailleurs, j'en vois une juste à ma droite. J'ai également aujourd'hui l'anniversaire de Adrien Brody. Adrien Brody qu'on a mis, qu'on a vu par exemple dans Le Pianiste, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle, film réalisé par... Et voilà, vous avez pu le voir aussi, Adrien Brody, dans plusieurs Wes Anderson, notamment... The Royal Tenenbaum, à bord d'une Darjeeling Limited, oui. Je pense au dernier, The Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel, oh là là, honte à moi, mon dieu. Voilà Adrien Brody qui sera dans The French Exit aussi. Ouais. Voilà Adrien Brody, j'aime beaucoup Adrien Brody. Également aujourd'hui c'est l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez tous. Vous allez reconnaître tout de suite avec ce petit générique. C'est donc l'anniversaire de Fred Courant de C'est pas sorcier. Fred, c'est lui qui posait les questions, vous savez. Dis Jamy, comment est-ce qu'on fait ça? Et Jamy disait, oulala, je vais t'expliquer. Moi j'avais une version blédard. Dis, comment on fait la circoncision, Abdullah? Eh ben Mohamed, écoute, c'est très simple. Vas-y, développe. C'est très simple, on t'écoute, on t'attend. Et bien, tu prends ton scalpel et tu enlèves le petit bout de coin qui dépasse. Voilà. Et dis donc, Jamy, c'est particulièrement intéressant. Donc voilà, c'est l'anniversaire de Fred. Fredo, on t'embrasse. Également aujourd'hui, l'anniversaire de Sarah Michelle Gellar. Vous savez, c'est Buffy. De Buffy contre les vampires. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Un anniversaire aujourd'hui qui va, je sais, particulièrement plaire à ma sœur Ophélie Soulard, parce que c'est l'anniversaire d'une L5, et pas n'importe laquelle, puisque c'est l'anniversaire de Louisie Joseph. Louisie Joseph, c'est elle qui chantait « Assis par terre ». D'ailleurs, Ophélie est une excellente imitatrice de Louisie Joseph. Elle le fait très très bien. Voilà. Si elle pouvait nous le faire ce soir à 16h pour le point conf, ça serait vraiment bien. Si elle pouvait nous faire un « Oups ». Louisie Joseph, ce serait vraiment rigolo. Joseph. Louisie Joseph Staline. Aujourd'hui également, c'est l'anniversaire. Non, comment on a dit qu'on faisait. Je sais pas. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Norman Tavo. Oh. Oh la vache, ça, ça a été répété, ça a été répété, ça se voit. Ça devient de plus en plus consensueux cette émission, je sais pas si j'arriverai à suivre le rythme. Norman Tavo, je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il était marrant il y a genre 6 ans. Non, ou peut-être qu'il a pas changé et que c'est nous qui avons grandi, évolué, mûri peut-être, on peut aussi le voir comme ça. Parce que je suis pas sûr, franchement, si on regarde les premières vidéos, en vrai, pour avoir fait l'expérience, c'est pas marrant non plus. Hein. C'est juste que c'était le début, c'était l'émulsion, tout ça, alors après, bon... Peut-être que ça fait marrer parce que nostalgie, tu te rappelles à ce moment-là, on regardait ça avec des potes, on se marrait bien, d'été 2010, voilà. Mais en vrai, non. Tu m'as cassé mon délire, là. T'as vraiment décidé d'y aller, toi, dans le journée pas du rire. Bah oui, mais enfin, c'est l'anniversaire de Norman, je trouve que ça va pas trop mal, là, avec la journée pas du rire. Oh. Il y a des YouTube. Oh. Y a des mecs qui font des vidéos en ligne qui sont plus rigolos, quand même. Hein. C'est pas ma cape, Didier, je me souviens que Chloé était fan de la chanson, de la vidéo « Je suis bilingue ». Ah bon? Oh la honte. Mais non, mais je m'en souviens pas. Alors si, moi celle qui me fait rire, contexte. C'est justement, c'est la seule où il est pas en mode youtubeur, c'est celle où il fait « Je suis Stéphane ». Et qui fait « Vous voulez gagner de l'argent facilement, rapidement ?» Oui. Et il fait l'espèce d'arnaque. Ça j'avoue, je l'ai maté il y a pas 30 ans, ça m'a fait marrer. Sa première vidéo sur le ping-pong me fait toujours rire, nous dit Jean-Jean. Il y a sa vidéo « Maintenant j'ai Google » aussi, sa chanson, elle est rigolote. Elle est rigolote, oui, c'est vrai. Ah merde, et vous savez, comme on est là, on est en train d'en parler, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder dans notre journée. Ouais. Et 25 ans aussi, elle était marrante. Et puis, du coup, dernier anniversaire de la journée. T'as vu, mon thé qui pue des pieds? Non, deux. Ton thé, il pue des pieds? Ouais, j'ai l'impression que quand je bois une rasade de mon thé, j'ai l'impression que ça sent les pieds, quoi. Ok. Non, mais il faut développer d'autres sens. C'est que la radio, ça développe que Louis. Au moins, dis-toi que t'as toujours. T'es pas atteint du coronavirus, du coup, puisque normalement, tu ne serais pas. J'aurais pas eu l'odorat. Ouais, ni le goût. Bah, peut-être que j'en sors tout juste alors et que je découvre que ce thé, il sent les pieds. Parce que ça fait un mois que je le vois quand même, ce thé là. Je veux dire, c'est pas une révélation. Aujourd'hui également, l'anniversaire d'Abigail Breslin, je sais pas comment on va dire. Bref, c'est la gamine qui joue dans Little Miss Sunshine. Et qui joue aussi la gamine dans Bienvenue à Zombieland. Ok, qui est moins gamine quand même là. Oui, qui est moins gamine et qui joue aussi bah, carrément beaucoup moins gamine dans Scream Queens. Ah, j'ai pas la référence là. De Ryan Murphy, celui qui a fait Glee, American Horror Story, American Crime Story. Il a aussi fait une série qui s'appelle Scream Queens. Et elle était dedans. Voilà. Ryan Murphy qui a aussi fait Nip Tuck. Que des grands classiques donc. Exactement. Et voilà, et donc aujourd'hui, bah, dernier anniversaire de la journée, c'est l'anniversaire de... C'est-à-dire que si c'est votre anniversaire, c'est fini, hein ? On arrête là. Non, mais je veux dire de ceux qu'on a, parce que forcément, il y en a d'autres, des gens qu'on connaît non pas. Ou... Non ! À partir de 10h15, c'est fini, bordel ! Si vous... Alors là, vous avez pas vu les yeux qui m'a fait... La haine. La haine dans ses yeux. La fatigue. Moi, c'est qu'on me disait ça quand j'étais petit. Après 10h15, j'avais plus le droit de fêter mon anniversaire. Fallait que je me lève tôt pour souffler les bougies. Après 10h15, mon père me disait « C'est fini, c'est plus ton anniversaire, tu fermes ta gueule !» Pardon, je suis fatigué. Donc, vous vouliez dire ? Oui, aujourd'hui. C'est pas rigolo de se moquer de mes traumas d'enfance, hein, franchement. Aujourd'hui, pardon, c'est l'anniversaire de Quentin Dupieux, qui est aussi connu sous la nom de Mister Oiseau. Kéman, t'as fait le test en ligne pour savoir quand est-ce que tu craques pendant le confinement ? Ce serait pas aujourd'hui. Ah, ça m'intéresse ça. Je veux bien le petit lien pour faire ce test-là. Bah, je sais, on transfère. À titre informatif, évidemment, parce que je crois pas en être là, non. Il y a juste des petits. Il y a des hauts et des bas, comme. Je sais pas. Comme disait, je sais pas qui c'est. Qui disait ça ? Des hauts et des bas. Des hauts et. Ah, mais ça fait un petit moment que j'ai rigolé. La blague sur Léon Blum, elle m'a bien fait marrer tout à l'heure. Merde, elle se bat. Les nouilles dans le caleçon de Léo Blum, je crois que ça a été mon turning point. Hey, il est vachement long cet éphéméride. Pourtant, j'ai vraiment peu de gens. Et donc, peu de gens. C'est l'anniversaire de Quentin Dupieux. Mais qui est Quentin Dupieux et c'est un mec qui vend des lits ? C'est un réalisateur de films. Mmh. Et c'est également connu sous le nom de Mister Oiseau et il fait des musiques. Et donc peut-être, Doug, tu peux nous parler de la chanson puisque c'est toi qui l'as choisie. Oui, alors on va écouter Skate Steak, qui est la musique d'intro de son film Steak, qui est un film avec Eric Ramsey et Jonathan Lambert, qui est une fresque sociale. Non, qui est un peu ouais, un film sur la parodie du mode de vie américain, sur le tout retouché, tout ça. Et qui avait eu un accueil assez chelou, parce que les gens, ils avaient vu Eric et Ramsey, ils sont allés « Oh yes ouais. !» C'est genre la tour montée par Ernest 2. Alors que pas du tout, c'est un film de Quentin Dupieux, donc il est chelou, mais il est quand même rigolo. Très bien. Donc, si vous l'avez pas vu, bah, je vous le conseille. Bah, même toute la filmo de Dupieux, hein, en général. Ouais, j'avoue que moi quand je l'ai vu, c'était ma période, j'étais au collège et c'était ma période où je kiffais l'humour avec Eric et Ramsey, quoi, la tombe pendant Infernal, c'était mon gros délire. Et j'ai vu Steak et j'ai pas compris. J'étais pas prêt du tout préparé pour Quentin Dupieux. Ouais, c'est un peu la réaction, je pense, que tout le monde a eu. Mais il se re-regarde très bien et puis une fois qu'on a compris le délire, c'est encore mieux. C'est vrai que je le mate très bien. Merci pour l'idée film. Bon, bah, on s'écoute ça ouais, tout de suite. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi ? Vous êtes toujours en direct sur la matinale de la radio des bons cons. Alors il y a Joseph qui nous précise sur le Discord que Steak est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent le mater. Merci pour l'information. Ouais. J'ai deux petites précisions. D'abord sur la chanson que vous venez d'écouter, du coup c'est une reprise de Jean-Jacques Perret, Belle Campagna. Donc c'est un mec, un français qui a popularisé le synthétiseur aux États-Unis dans les années 50-60. Et dans Steak, il y a aussi Kavinsky, vu que c'est un pote de Quentin Dupieux qui joue. Voilà. Ouais. Pour une petite anecdote. Qui est aussi un DJ de cette troupe-là. Qui... Il est chez Headbanger aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, bah, comme tous les matins, nous retrouvons notre invité de la matinale. Aujourd'hui, je suis très contente de cet invité. Alors, d'habitude, je le suis aussi, hein, mais c'est que là, on a aussi réussi à la faire se lever. Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour, ah, pardon, je ne vous entendais pas bien. Bah voilà, ça fume des joints, à peine levé, et ça entend pas ce qu'on dit. Bah ça fait longtemps que je me suis pas levée aussitôt, vous savez, donc je suis un peu perturbée. Alors, est-ce que vous pouvez nous vous présenter? Je m'appelle Laurie et je suis confinée à Lorient actuellement, dans un appartement. Alors, Laurie, c'est ma meilleure amie. Je sais pas si on pouvait le dire à l'antenne. On s'en fout, c'est une radio qui marche à base de népotisme, tout ça, ouais. On en a... Donc ah, autant, okay, vous, dire, autant, bon, autant vous dire que... Je suis très intime avec la présentatrice. Alors autant vous dire que je suis joie, puisque je suis donc entourée de mes meilleures amies, donc je passe une très bonne matinée. Voilà. Alors Laurie, dites-nous, donc vous nous avez dit que vous étiez confinée à Lorient, dites-nous en quoi ça change votre quotidien, ce confinement, est-ce que vous télétravaillez? Non, je ne télétravaille pas, mon métier c'est assistante dentaire, du coup ça fait un mois que je ne travaille plus, je n'ai plus le droit de mettre les pieds au cabinet dentaire. Et comment ça se passe pour votre cabinet? C'est fermé? Alors, les cabinets sont fermés et en fait, tous les jours, c'est organisé comme des gardes du dimanche. Je dis ça pour les auditeurs en cas de rage de dents. Il y a quand même un service d'urgence qui est assuré et c'est les dentistes, en fait, qui s'en occupent, quoi. Nous, on n'a pas le droit de venir, ils n'ont pas besoin de nous pour le peu qu'ils font. Puis je pense qu'il n'y a pas assez d'équipement pour tout le monde pour l'instant, donc il va falloir attendre encore un peu. Et en plus, c'est les dentistes qui parlent qu'on va reprendre plus tard que les autres, parce qu'à cause des turbines et des matériels des dentistes, et que nous, on est devant la bouche des gens et ils projettent de leur salive sur nous, on n'est pas prêt de retourner au taf. Ok. Et comment ça se passe pour vous, le confinement, là? J'ai ouï dire que c'était compliqué. Ouais, hier soir, j'avoue, bon, j'y attendais que ce soit avancé jusque mi-mai, hein. Mais quand j'ai vu qu'il restait un mois, j'ai un peu badé, ouais. J'ai regardé ma réserve et je me suis dit... Putain. Ouais, c'est long, quoi. C'est long de pas voir des gens. C'est long de pas voir des gens et puis de pas sortir longtemps. Enfin, tu vois, je suis en appart et c'est pas facile de même si on se balade une heure, tu vois, c'est pas pareil. J'ai pas de jardin, j'ai pas de contact avec la nature, tu vois, je suis au bord de la mer, je peux pas y aller. Ça commence à être un peu frustrant. Ça m'étonne. Enfin, vous m'étonnez. Pardon, c'est vrai, je dois vous voyez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors le matin, vous avez dit que vous n'étiez pas une personne matinale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe généralement le réveil? Comment se passe généralement le réveil en confinement? En confinement, c'est facile, on a le soleil sur la terrasse le matin, je ne le vois jamais. Ah oui? Je me lève vers 13h, quoi, midi 13h. Et c'est pas facile de se recaler quand il n'y a aucune raison de se lever. Genre strictement aucune, quoi. À part vous, ce matin. Mais vu que je suis pas matinale et que j'ai aucune raison de me réveiller, ouais, je suis décalée. Je me couche à 4-5 heures et je me réveille à 13h, quoi. Alors, comment ça se passe le réveil, puisque vous vous réveillez finalement à l'heure du déjeuner. Alors, est-ce que vous êtes quand même team petit déjeuner ou vous passez directement au déjeuner? Ouais, on brunch pas mal. Pas mal d'auditeurs hein, qui sont dans le même cas, alors développez, nous, ça nous fait rêver les brunchs. Vous voulez dire que je vous dis ce que je mange? Bah ouais, carrément. Bah, je sais pas, des œufs, du fromage, des fruits, du café, bien sûr, des litres de café sont nécessaires. Ça arrive de faire des petits pains perdus, des gaufres aussi le matin, j'aime bien. Je suis comme le reste de la France, j'ai les cheveux sales et je cuisine. Alors, on a une question, Laurie, de notre ami Doug, qui nous demande, Laurie, avez-vous un nouvel album de prévu pour bientôt? Bah, j'essaye de profiter du confinement pour puiser dans mes ressources artistiques, pour donner quelque chose à la France de positif à la fin du confinement. Vous voulez dire quelque chose qui donnerait la positive attitude? Exactement, vous m'avez compris. Oh la vache, merde. Ah, si vous savez comment je suis content de ouais, ce rire, vraiment, ça me remplit de joie. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous dites que voilà, c'est long, vous faites chier. Généralement, c'est quoi une journée typique de Laurie finalement pendant ce confinement? Ça dépend, j'ai pas vraiment de journée type, mais bon, globalement, donc je me lève, je mange. Détail important, je n'ai pas le wifi ici, donc pas de Netflix et pas ce genre de choses, puisque j'ai déjà plus de 4G sur mon téléphone et je dois attendre jusqu'au 20 avril pour la recharge de mon forfait. Oh là là. Du coup, des fois, je regarde la télé, c'est triste. et sinon, je suis passée chez moi, télécharger quelques films, je regarde des films, je bookine, pas mal. Et puis bah j'écris également. Plutôt la nuit, ça, plutôt la phase minuit 4 heures. L'inspiration vient le soir, hein, du coup. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a Nini que vous connaissez puisque vous avez fait un karaoké avec elle, qui nous demande peux-tu nous chanter un peu de L5? Ah non, je ne peux pas. Ça ne fonctionne que bourré à un karaoké à la Rouxière. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Madame Mona qui nous dit, Laurie, oh non, Laurie, peux-tu nous balancer 3 anecdotes concernant Chloé? J'imagine que les auditeurs veulent des choses croustillantes, laissez-moi réfléchir un instant. Ouais, est-ce que vous voulez qu'on envoie un petit morceau? Le souvenir croustillant de Chloé, j'en ai un qui me vient immédiatement en tête dans nos jeunes années de fac. Je me souviens avoir ramené une Chloé ivre morte chez elle qui a vomi par la fenêtre. Genre j'ai eu de la gerbe sur mon rétroviseur extérieur, c'était dégueulasse, je nettoyais ça au jet. Et on l'a ramenée chez elle et on l'a abandonnée dans sa salle de bain, les fesses à l'air. Et elle nous a dit, partez, laissez-moi. Alors, je tiens à préciser pourquoi j'étais fesses à l'air. J'étais pas fesses à l'air, j'étais assise sur mes toilettes. C'est pas... Oui, c'est vrai, tu vomissais tout ce que tu pouvais, ma pauvre. Est-ce qu'on s'écouterait pas une petite chanson? Le temps que vous nous en trouviez deux autres qui sont au moins au niveau de celle-là. et laisser aux gens l'opportunité de poser leurs questions. Bon, on s'écoute Philippe Catherine, Francis et ses peintres, hein, le classico. Et c'est Toutes les filles, alors c'est une reprise de, je sais, j'ai même pas l'original là. C'est pas Françoise Hardy? Non, pas du tout. Bon, mais on verra bien. Écoutez, si vous reconnaissez de quoi c'est la reprise, faites-nous signe sur le Discord. Allez, c'est parti. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, adolescents, à toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis restée adolescent. Elles avaient des océans au fond des yeux, elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie à deux. Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elles gravaient nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elles pleuraient comme on pleure quand on a trop aimé. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, de leur éclat de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plages de soleil en dîner dansant, aux secrets murmurés, aux passions déchirées, je suis restée adolescent. Elles avaient des océans au fond des yeux, elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Sur la radio des bons cons, c'est la matinale. Nous sommes toujours en compagnie de Laurie, notre invitée. Alors Laurie, il y a eu plein de commentaires hein, sur cette anecdote. Ah. Madame Mona qui nous demande si tu étais assise sur les toilettes, où vomissais-tu? Alors, je précise, j'ai vomi par la fenêtre de la voiture de Laurie, sur la voiture de Laurie. Et après, quand j'étais sur les toilettes, je faisais pipi, tu vois, j'étais bien. J'essayais d'enlever mes chaussures en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Oui, tu étais assise à côté des toilettes. Mais tu nous as généreusement proposé de prendre les petits ferrets au rocher qui traînaient sur ta table dans ton immense grandeur, malgré ta Oh, le pourliche pour avoir vomi sur la bagnole. Et l'avoir ramené. C'est ça. Oui, mais bon, je leur ai donné un super spectacle, puisque même avant tout ça, j'ai essayé d'apprendre à danser le sirtaki. Donc, Oui, c'est vrai, t'as fini par vomir sur un tapis. En France, c'est mémorable. Bon, ça va, t'avais quoi? T'avais 19 ans? J'avais 19 ans. Ouais. Ah ouais. Dis donc, Zanny, se sont écoulés. Maintenant, tu prends des cuites et puis tu tiens plus vachement mieux le choc. Ouais, et je viens de réaliser que du coup, c'était il y a 10 ans. Putain, mais c'est clair. Alors, il y a Loyo qui nous dit une autre. Oui, alors bon. Bon, alors, je rassure tout de suite l'auditorium. Chloé se tient quand même et vomit peu. J'ai peu de souvenirs où Chloé vomit, donc celle-là est assez mémorable. Sinon, je me suis pris des sacrées cuites avec Chloé quand même. Une particulière qui a un peu scellé notre amitié en deuxième année de fac. On s'était pris une cuite monumentale pour ma dépendaison de crémaillère. Et on était allé terminer et voir le lever de soleil sur l'herbe derrière la fac. Avec, j'avais ramené mon verre sur tout ce chemin et je l'ai renversé en arrivant là-bas. Et on est rentré, je crois, à 10h30 du mat. Je lui ai souhaité bonne nuit dans un tramway blindé d'étudiants calés en cours. C'était beau, c'était mémorable aussi. J'aime beaucoup ce souvenir avec elle. C'était très beau ce cap, c'est très bon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a... Rien... Alors, Douglas qui dit rien de mieux qu'une histoire de vomi en buvant son café. Bah écoutez, on est là pour vous vendre du rêve, hein, Douglas. Laurie, quand est-ce qu'on fait une soirée ensemble? Parce que j'entends tout le temps parler de toi par Chloé, mais je me rends compte qu'on n'a jamais beaucoup discuté. Eh ben, écoute, Elsa, quand tu reviens... Quand tu reviens à Nantes, le problème, c'est qu'il faut aller la voir à Lorient... Alors, je peux venir à Nantes s'il y a une soirée qui se passe à Nantes. Hein. Je suis pas très loin. Hein. Nantes-Lorient, c'est vite exécuté. Et en plus, le jour où on pourra tous refaire la fête ensemble, c'est clair que je suis prête à prendre ma voiture pour qu'on se retrouve tous. Ah bah oui. De toute façon, pas c'est de problème. Clairement ce qu'on va faire tous, je pense, quand ça sera déconfiné. Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Laurie, mais on va peut-être lui dire au revoir. On a peut-être un petit message à passer. Si vous habitez ou connaissez quelqu'un qui vend de la weed à Lorient, envoyez vos messages sur le Discord, on transmettra. C'est une question d'urgence, ça n'a aucun lien avec notre invité du jour qui habite à Lorient. Aucun lien. Bien sûr, aucun lien. Mais voilà, faites-nous signe si vous avez un petit pote qui a des plans à Lorient. Voilà, on passe l'info. Exactement. Ouais. Venez me remonter le moral. Laurie, c'est là pour rationner et c'est chaud. Laurie, est-ce que vous avez peut-être un conseil lecture, série, film, quelque chose que vous auriez envie transmettre? Oui, j'ai un livre que j'ai lu là durant cette période de confinement qui m'a bouleversée. Je recommande chaleureusement à tout le monde de lire Martin Eden de Jack London. Ah, Jack London, ça c'est un bon écrivain. Un bon gaucho bien de chez nous, un peu porté sur la bouteille quand même, mais on l'adore. Oui, mais Martin Eden, vraiment, je l'ai bouffé en deux jours, c'était phénoménal. Lisez-le, je le recommande chaleureusement. Bien, merci Laurie pour ces précieux conseils lecture. Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir dans cette matinale. Ah, c'était un plaisir de me lever pour vous, pour participer à cette matinale. Je n'oublierai jamais. C'est un nouveau souvenir que nous pourrons partager, Chloé. Oui, c'était beau. J'ai hâte de vous revoir, Madou. Oui, on a hâte. Merci, Laurie. Merci. Merci à vous. Des bisous. Allez, bonne journée. Salut. Ciao. Salut. Oh, waouh, ça me fait trop plaisir d'avoir eu Laurie. Ouais. Vraiment, je suis joie. Un peu moins sur l'histoire du vomi. J'espère que mes parents n'écoutent pas. Mais bon. Mais bon, qu'est-ce que j'y peux? Alors, sans transition peut-être, de quoi on parle maintenant? On va parler de musique, comme d'hab, comme tous les jours. Hier on parlait production, aujourd'hui on va plutôt parler de musique très culturellement marquée. On va parler de musique brésilienne, on va parler de deux genres, de la bossa nova et du tropicalisme. Deux genres qui se sont suivis. La bossa nova, alors pour beaucoup, c'est juste une musique d'ascenseur et c'est un truc qui revient beaucoup. Pour ces gens-là, je vais essayer un peu d'ouvrir leurs horizons, leur montrer toute la richesse de la bossa nova, tout ce que ça représente, toute la force à la fois culturelle et harmonique de ce genre que j'adore particulièrement. Je peux en écouter des heures dès que les premiers rayons de soleil refont surface dans le soleil, dans le ciel printanier de nos campagnes. Et bien, je leur fais péter mon petit Jean Gilberto et je me laisse porter au gré de ses guitares et de sa voix doucereuse. Alors, pour vous situer un peu le contexte, on est en 1958 au Brésil. Le Brésil vient de gagner la Coupe du Monde en Suède. Il rentre dans une phase de démocratie que le pays n'a pas énormément connue, pour être honnête. Le président de l'époque s'appelle Kubitschek. C'est un président dynamique qui veut relancer économiquement le pays. Alors, il veut développer le pays économiquement. Il veut le développer de 50 ans sur 5 ans. C'est sa devise. Il crée alors une nouvelle capitale, Brasilia. Donc, il lance le projet en 56 après son élection. En 60, la ville aura été montée de toutes pièces en 4 ans seulement, bougeant la capitale du coup de Rio à Brasilia. Donc il y a une vraie dynamique, il y a un vrai espoir au Brésil à ce moment-là, il y a une émergence d'une classe moyenne assez forte, dont seront issus les fondateurs de la Bossa Nova. Voilà, le Brésil a le vent en poupe, le Brésil est de bonne humeur, est en expansion économique, et on est dans une sérénité démocratique, et ça se sent, et il y a 3 hommes qui vont changer totalement la musique brésilienne. Alors à cette époque, on est sur de la samba, ou des chansons un peu plus... larmoyante, où on chante fort, où on est dans la complainte, la saudade, cette idée de nostalgie incessante, et des jeunes gens vont tourner la page de ce style-là. Alors, il y a Antonio Carlos Jobim, dit Tom Jobim, compositeur, pianiste, qui est fan de Chopin, qui voulait faire de la musique classique, et qui finalement va prendre un autre chemin, en rencontrant Vinicius de Moraes, poète, qui sera le parolier de la plupart des chansons de Bossa Nova qui ont traversé le monde aujourd'hui, et Jean Gilberto, et sa voix toute douce, magnifique, son jeu de guitare. À cette époque-là, du coup, fini les complaintes, fini le chant hyper fort, on passe à une voix toute douce qui nous susurre des mots doux à l'oreille. Le rythme samba se retrouve seulement dans la rythmique de guitare qui est très particulière de la bossa nova, ce un truc qu'on n'avait pas avant du tout. Voilà, et ça donne en 1958 le premier morceau de bossa nova, de l'histoire de la bossa nova. C'est donc composé par Tom Jobim, les paroles sont de Vinicius de Moraes, et au chant et à la guitare, on a João Gilberto. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Alors, c'était Chega de Saudade, ce qui veut dire au revoir la saudade, au revoir la nostalgie. C'est une version guitare-voix, la version de 58 est donc un peu plus orchestrée. Si vous voulez aller l'écouter, d'ailleurs, il y a tout un mini-album qui est composé par ce trio-là. Je vous la recommande. On a des belles cordes derrière aussi. Toujours cette belle voix et ce rythme de guitare qu'on retrouve. La bossa nova, c'est donc un style qui naît en 58, dans une période d'optimisme. Ce sont des jeunes gens qui la composent, qui la jouent, même si Vinicius de Moraes est un peu plus âgé que Jobim et que Gilberto. On trouve des paroles un petit peu contemplatives, un petit peu, candides, insouciantes. On écrit sur l'amour, on écrit sur des beaux paysages, on se laisse porter au gré de l'eau. Donc c'est un style de musique qui vient vraiment à la base de Rio, même si ses auteurs viennent d'autres états du Brésil. Ils se sont tous retrouvés à Rio, dans les quartiers de classe moyenne comme Ipanema ou Copacabana. Donc voilà, il y a le morceau, peu de temps après, le morceau le plus connu, Garota de Ipanema, qui sera composé par le même trio, par le trio Jobim, Moraes et Gilberto. Voilà, la version qu'on en connaît le plus, c'est un album qui a tout de suite été composé. Alors, la notoriété de la bossa nova, elle s'est exportée parce qu'il y a des Américains, dont Stan Getz, un saxophoniste de l'époque, qui sont venus travailler à Rio avec ses compositeurs, et qui ont ensuite ramené ça dans leur valise aux États-Unis, avec de plus en plus la main mise des Américains, puisqu'il y a une version, par exemple, de Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, qui a été joué par Sinatra avec Tom Jobim à la guitare. Il y a une appropriation. Et à la base, c'est un morceau qui est composé, qui est chanté en portugais, du coup, enfin voilà, avec le dialecte brésilien, par João Gilberto. Les Américains s'en saisissent, et on a d'abord un espèce de trio avec Stan Getz au saxophone, João Gilberto à la guitare au chant, et sa femme Astrud Gilberto qui va se mettre au chant, et petit à petit les Américains vont se dire, en termes de marketing, c'est vrai que si on mettait Astrud Gilberto en avant, c'est elle, la fille d'Ipanema après tout, et qu'on virerait pas João Gilberto, voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé, hein, le morceau qu'on connaît le plus, c'est vraiment Astrud Gilberto qui chante. Donc on est passé d'un morceau 100% brésilien, chanté avec leur langue à eux, avec un homme qui chantait avec sa voix doucereuse, et finalement le marketing a fait gros chamboulement, on est arrivé à un morceau chanté en anglais par Astrud Gilberto, qui par ailleurs, après cet enregistrement, s'est barré avec Stan Getz, hein, c'était la femme de João Gilberto, et elle s'est barrée avec le saxophoniste, une belle histoire qu'on en trouve dans la musique. J'hésite là, j'ai plusieurs morceaux à vous faire passer, et il va falloir que je tranche, je pourrais pas tout vous faire passer. Alors, je voulais vous passer Corcovado, Quiet Nights, qui fait partie de l'album, du coup, Stan Getz et João Gilberto et Astrud Gilberto. Je vais pas vous le faire passer, mais malgré tout, je tiens à vous dire que c'est le seul album de jazz, enfin, ou apparenté jazz, parce que la bossa nova s'inspire aussi du jazz dans ses richesses en termes d'harmonie. C'est le seul album de jazz à avoir eu un Grammy, à avoir été numéro 1 dans les charts américains. Vous le trouverez facilement, hein, si vous tapez de façon The Girl from Ipanema, assez vite vous allez avoir cet album qui vous est proposé, Stan Getz, João Gilberto et Astrud Gilberto. Donc je vais faire abstraction de ça et on va se concentrer sur de la musique totalement lusitanophone. Et donc je vais vous passer un petit morceau de Antonio Carlos Jobim, donc le compositeur de la bossa nova, hein, qui a signé la moitié des morceaux, enfin voilà. Qui s'appelle Guas de Malo, qui a été enregistré bien plus tard, mais on ressent toujours cette patte bossa nova, et voilà, et j'adore particulièrement cette track-là. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão. É o nó da madeira, canga, candê. É o mate da pereira, é madeira de vento, da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pino pingando. É uma cor, é um conto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando, é a luz da manhã. É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia. É o fim da picada, é a garrafa de cana. Estilhaço na estrada, é o projeto da casa. É o corpo na cama, é o carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, oite, corte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azada mienha, andandede, badandede. Voilà, c'était Guaz de Maro de Antonio Carlos Jobim, dit Tom Jobim. Donc là, on est parti un peu plus loin. Ça, c'est des compositions un peu ultérieures, même si on ressent un peu sa patte, sa façon de composer. Il y a des versions de Jobim de tous les morceaux, enfin de plein de morceaux de bossa nova. Il est particulièrement doué dans l'utilisation des pianos Fender Rhodes. Vous savez, c'est ce genre de piano électronique où au lieu de taper sur des cordes comme sur un piano, on tape sur des lamelles de métal. C'est un truc qui est utilisé dans la soul, je vous en ai déjà parlé. du coup, la bossa nova, c'est un genre quand même qui a été, qui n'a pas duré très longtemps, en tout cas dans sa période, enfin sur la terre du Brésil. Parce que assez rapidement, il y a eu les coups d'état militaires en 64, donc 6 ans après le début de la bossa nova. Coup d'état militaire, la fin de l'insouciance pour le Brésil. Au début, il n'y a pas encore de censure pour les musiciens, mais il y a quand même d'autres voix, un peu de distorsion qui se font entendre. Pour beaucoup de Brésiliens, ou de jeunes Brésiliens, de jeunes activistes, ou même de jeunes musiciens, la bossa nova était beaucoup trop insouciante et n'allait plus dans l'air du temps, du climat un peu de terreur que commençait à imprimer la dictature. On a un autre genre de musique qui arrive, c'est le tropicalisme. Ça s'inspire évidemment de la bossa nova, de la samba, mais on sent l'influence de groupes comme les Beatles, où on lorgne beaucoup sur les États-Unis. Gilberto Gil, notamment, est un chef de proue du tropicalisme. Et arrive alors à ce moment-là, il y a de la guitare électrique, donc il faut savoir quand même à cette époque, il y avait des manifestations anti-guitare électrique à Rio, il y a eu ça. il y avait des grosses distorsions entre à la fois ceux qui voulaient un engagement politique, ceux qui voulaient rester près d'une musique culturellement riche déjà, avec la guitare classique, donc ça a été très compliqué, et finalement, quelques années après le début de la dictature, il y a eu les persécutions et l'interdiction, la censure de beaucoup de musiciens. Gilberto Gil a dû partir à Londres. Ça a été une période assez complexe, les gens de l'émission de la Bossa Nova, de toute façon, sont partis pour beaucoup aux États-Unis, pour bosser. Et voilà, la culture musicale brésilienne en a pris un petit coup. Alors, je voulais pas parler de Gilberto Gil, il est très très connu, hein, je vous conseille d'aller écouter ce qu'il se faisait à l'époque. Moi, il y a un musicien que j'adore énormément, enfin que j'écoute énormément parce que mon pote Thiago me le fait écouter à foison, c'est Jorge Ben Jor. Qui a commencé à faire des chansons dans ces périodes-là, hein, moitié début années 60, moitié années 60. Il y a un morceau qui est hyper connu, c'est Mashkenada, voilà, ça c'est Jorge Ben Jor, même si vous avez sûrement dû entendre une version Black Eyed Peas. À l'original, l'origine, c'est lui. Et là, on va s'écouter un petit morceau qui est sorti sur son album Forza Bruta, de 1970, et s'appelle Oba La Vienla. Donc on a cet esprit rock, hein, on a cette idée un peu hippie, hein, parce que évidemment ça a touché un peu le Brésil, malgré le fait que ça a été très vite réprimé par la dictature. On a ce côté un peu, on sent les années 60-70, ces mouvements, cette vague musicale qui ont happé tout le globe. Malgré tout, Jorge Ben Jor, il lutte encore et il persiste avec sa guitare classique, même si l'instrumentalisation, même si l'orchestration, elle, est bel et bien rock. On s'écoute ça tout de suite. Oba, lá vem ela. Que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela. E como dizer sim? Voilà, c'était Georges Benjor avec Aubin La Vie M'la. Donc voilà, si vous voulez poncer vraiment encore davantage la bossa nova, écoutez n'importe quoi, vous tapez Tom Jobim ou vous tapez Juan Gilberto dans le YouTube et vous aurez de quoi chiller tout l'après-midi, comme dit notre bon Doug sur le chat. Pour cette chronique, je vais quand même... J'ai envie de regarder OSS 117 maintenant. Ah, j'adore ces raccourcis qui font bien mal au cœur à mon Brésil. J'ai mal à mon Brésil. Et est-ce que Michel, c'est le Brésil? Allez, franchement. Putain. Vous êtes vraiment des bâtards. Ah, on vient de voir une boule de paille, comme on voit dans les westerns, rouler dans le studio. Un tumbleweed, exactement. Voilà, je vais clôturer cette petite chronique sur la musique brésilienne. Je vous conseille aussi un groupe très actuel et très brésilien aussi, il s'appelle Niteroi, N-I-T-E-R-O-Y. Il y a deux morceaux sortis sur Spotify. Ça fleure bon à Rio de Janeiro, Niterói étant d'ailleurs un quartier de Rio. On va s'écouter là tout de suite avant de revenir à nos classiques, parlons des rêves, parlons films, tout ça. On va s'écouter une dernière petite track. Ça c'est la petite cerise, la cerise sur le McFlurry, tout ça là. On est sur un petit bonus. On s'écoute l'Aquarelle du Brésil, qui est une cover de effectué par Migraine, donc le musicien Migraine que vous pouvez retrouver hein, sur les internets, sur quoi, sur YouTube, tapez ça sur YouTube, voilà, sur SoundCloud. S'appelle donc l'Aquarelle du Brésil, c'est une adaptation francisée du morceau de Tom Jobim qui s'appelle donc Aquarello do Brasil. Et du coup, c'est la musique du petit déjeuner, c'est la musique de déclaration d'amour à son café. On s'écoute ça tout de suite et après on revient avec nos programmes classiques. On lit des rêves, on se raconte des films et voilà. Allez, à tout de suite après un petit café. Brésil, mon Brésil, brésilien. Mon métis intrigant, je te chante l'aquarelle. Au Brésil, samba qui fait danser mon esprit embrumé. Au Brésil, sans toi je n'ai pas les mêmes matinées. Brésil, chez moi, Brésil, tu fais oublier mon passé. Et la dame noire est effacée. Mais le roi du Congo en transe, tu fais de moi ton troubadour. La mélancolie de la lune, toutes les chansons de mon amour. J'aimerais voir à nouveau cette fille qui danse dans les salons de Rio, toute nue sous sa robe d'été. des palmiers. Avec mon hamac attaché, pendant les nuits de clair de lune, j'écoute les sources qui murmurent, buvant dans les noix de coco. La lune est belle dans ta nature. Brésil, cette samba me fait danser. Lorsque je bois mon café, l'esprit tout en nuagé, Brésil, chez moi, Brésil. Au Brésil, samba qui fait danser mon esprit embrumé. Au Brésil, sans toi je n'ai pas les mêmes matinées. Brésil, chez moi. Brésil, chez moi. Brésil, chez moi. Bom dia, como te chamo? Me chamo Keman, moro em Portugal. C'est tout ce que je me rappelle de mes deux mois de Portugal à la fac. Bonjour, comment ça va? J'habite au Portugal. Moro em Portugal. Obrigado. Eh bien écoutez, nous sommes toujours en direct pour la dernière partie de cette émission. Donc je vous invite hein, dès maintenant à vous rendre sur la page Facebook de la Radio des Boncons, d'aller sur le dernier post de la radio. Chloé et son pot de chambre. Non, c'est Chloé qui boit un thé extérieur, d'accord. Et voilà, et de vous tenir prêt pour le jeu. Hein. Allez-y, on vous laisse du temps pour y aller. En attendant, nous, on va lire quelques rêves. Oui. Ouais, bah allez-y, envoyons-nous du rêve. Eh bien, écoutez, il y a Madame Mona qui nous a dit hier, cette nuit j'ai rêvé de plage aussi. J'étais dans une cité lycéenne de bord de mer, j'étais avec mes potes d'Angers. On a visité un appartement où tous les murs étaient recouverts de wax et la moquette était bleue. On buvait de l'alcool maison. Et on buvait de l'alcool maison, était jamais sous. Mais on était ouais. Non, de l'alcool, mais on était jamais sous. Collé, c'est pas de l'alcool maison, on buvait de l'alcool, mais on était jamais sous. On a regardé des photos de nous où Louise s'était cassé une dent qui avait la forme du bat de signal. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Alors, ouais, la dent pétée en forme de bat de signal, j'adore. C'est vraiment de l'orfèvrerie à ce niveau-là. C'est clair. Ouais, alors analysez-moi. Alors Doug avait une analyse. Ouais. Ouais, alors c'est clairement un rêve qui sent l'envie d'évasion et un peu la nostalgie quand même. C'est très poétique comme rêve. C'est vraiment la mer, c'est déjà sortir du confinement. Hein. Puis se remémorer tous ces souvenirs, c'est l'envie de passer du bon moment avec les copains. C'est tout à fait vrai. La cité lycéenne, c'est peut-être l'envie de se retrouver entre potes. Peut-être que oui. Le foyer familial vous pèse. Ouais. Vous ramène, vous fait trop régresser peut-être. Tout simplement, hein, ça arrive. Hein. Alors, eh bien écoutez, on va passer au deuxième rêve, puisqu'on en a un qui est vraiment très intéressant également. Ouais, qui est dense, hein, oh la vache. Très dense. Alors, c'est un rêve de C'est pas ma cam, qui nous dit « J'ai rêvé que j'avais le pouvoir de voler et qu'on était une vingtaine à avoir ce pouvoir-là. Du coup, il y avait un championnat de combat à mort qui existait pour les gens comme moi. En mode Hunger Games, en duel, on devait s'affronter et le duel s'arrêtait quand on tuait l'autre. Du coup, on volait, habillé un peu comme des Power Rangers, et on se mettait des coups de sabre. Ah ouais, à la fin de mon rêve, j'étais en demi-finale. Mon adversaire, c'était Jean-Paul Rouve, qui ressemblait à Jean Reno des fois. Et c'était un gros connard, genre gros méchant, il trichait. Bref, au moment de l'affrontement, on se retrouvait les quatre demi-finalistes dans une pièce avec des formatrices de l'éducation nationale. On était en formation pour savoir comment préparer notre combat en suivant les programmes. Wow. D'après un test en ligne, je suis censée craquer ce confinement le 24 avril. Est-ce que le rêve n'est pas le signe que je craque plus tôt que prévu ? Bon, en tout cas, vos responsabilités d'enseignant, là, à distance, ça vous prend la tête, visiblement. Hein. Vous avez envie de péter la gueule à un ou deux inspecteurs, j'ai l'impression. Oui, vous êtes en colère contre l'éducation nationale et ça vous pèse. Vous vous posez des questions sur l'école, en général. Alors, quid des Hunger Games ? Eh bien, écoutez, déjà, j'aimerais savoir si votre compagne va bien. Et écoutez, prenez une camomille enfin, qu'est-ce qui se passe ? Bah l'idée de voler, de toute façon, c'est clair que vous vous sentez enfermé, oui. Quoi, ça c'est qu'il y a, besoin de, y a besoin de se barrer d'ici. Jean-Paul Rouve, là, par contre, j'avoue que j'ai pas l'impression. Alors je pense que c'est juste... Une théorie pour Jean-Paul Rouve, c'est... C'est à cause de Régis ? Par rapport à la stratégie de l'échec, où elle a en tête cette phrase qui est beaucoup prononcée dans ce truc, qui est « je vais te tuer », et donc il écoute quand même à l'ensemble du rêve. Ah. En fait, dans la stratégie de l'échec, ils font « je te tue, je te tue, je te tue, je te tue, je te tue, je te tue ». Voilà. Et je pense que c'est un peu la représentation de Jean-Paul Roux où elle était « je te tue ». Intéressant, intéressant, bon. Eh bien écoutez, c'est incroyable. C'est vrai, Elsa, je suis bluffée. Vous êtes une Hunger Games, quoi. Vous faites les Hunger Games. Alors, quid du Power Ranger ? Parce qu'il y a ça aussi. Bon, c'est le Lycra, quoi, je sais pas, qu'est-ce que c'est. Peut-être envie de vous déguiser. Ouais. Ça vous manque. Peut-être envie de compétition sportive, de vous remettre oui, à sport d'équipe, ça, je sais pas. Oui, c'est vrai, la compétition, finalement, c'est peut-être que vous avez... C'est toujours mes parents qui prennent dans vos analyses. Madame Mona qui commence à... Non, mais... Écoutez, En plus, il y a peut-être des chances qu'ils nous écoutent, les Pascaux, alors on veut pas se fâcher avec eux. Non. Non, mais écoutez, on a tous des problèmes avec nos parents, hein. C'est classique, hein, finalement. C'est pas vous en particulier, Madame Mona. J'ai trouvé une bonne solution pour pas en avoir avec eux, je les fréquente pas. Tu fréquentes les miens, plutôt. Bientôt, tu vas te mettre à rêver des parents, et ce sera mes parents. Attention. On a vite fait de prendre les tocs d'un soulard. Oh là là. Eh bien, écoutez, merci pour vos rêves. Oui, en effet, je pense, Elsa, c'est vrai, vous avez besoin de compétition. Peut-être faites-vous des petits challenges avec vos amis. Des chasses au trésor, peut-être, dans votre appartement. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez l'esprit de compétition, ça c'est sûr. Et éloignez tous les objets contendants pendant 2-3 semaines, là, je pense. Alizé, peut-être attachez-la la nuit. Et puis aussi, peut-être arrêtez de jouer à Worms, parce que c'est clairement un jeu qui incite à la violence gratuite. Ah putain, et moi j'étais justement en train de me dire qu'il fallait vraiment que je me trouve un Worms sur ordi là, j'ai trop envie de jouer à ça, clairement. Eh ben je sais qu'elle joue à Worms World Party, donc c'est assez vieux, mais ça fonctionne bien. Sur ordi ? Mais moi j'ai un Mac là avec moi, je vais avoir le droit à aucun jeu là-dessus. Aïe aïe aïe, terrible désillusion. Bah oui, c'était pour faire de la musique, j'ai jugé bon de prendre cet ordi là, mais après pour les loisirs c'est la bite quoi. Eh oui. C'est la vie que tu as décidé de mener. Ah, et je m'en veux jour après jour. Pourquoi t'as... Aïe, aïe, aïe. C'est pour un côté dramatique. Quand on a fait du drama, il faut prendre on un accent, est, on prend notre personnage. Quand on veut faire du drama, on est allemand. Quoi. Dramatique. Allez. C'est toujours le moment de la mission où ça snap, là. C'est après les rêves, il y a un truc où ça part en susu. Alors du coup, bah, on va. J'espère que vous êtes tous prêts, hein. Je ressors la dédicace. Alors, on avait reçu une dédicace de Ophélie qui a gagné hier. Mm-hmm. Elle nous dit ma dédicace pour demain matin. Alors, bonjour la matinale. Merci d'être toujours aussi nombreux à écouter la radio des bons cons. Je voudrais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui malheureusement fête son anniversaire demain en confinement. Joyeux anniversaire Typhon et gros bisous. PS, Brad Pitt. Voilà. Ok, on est sur. Ah bah on est sur de la dédicace. Très, très précise, voilà. Très opaque. On ne comprend pas ici, nous ne saisissons pas. Bah moi j'ai pas tout non plus, mais bah écoutez, c'était sa dédicace. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez quand vous avez gagné. Voilà. À un moment, si vous faites trop les cons, on va mettre de la censure par contre, je vous préviens. Avec moi ça déconne pas. Hein. Si vous croyez en démocratie, les cocos, il va falloir changer de crèmerie, hein, parce que chez nous c'est pas comme ça que ça se danse. Hein. Bon! Alors, Kéman, vous avez encore regardé un petit film hier? Ouais, j'ai regardé un petit film. J'ai pas tout compris, mais moi j'adore les images déjà. Ouais, de toute façon, c'est ce que je préfère. Hein. Des fois, j'ai pas tout niveau dialogue, niveau scénario, mais je passe un bon moment et c'est le principal, de toute façon, en confinement. C'était un peu comme hier, c'était une fresco socialo-dystopie. Voilà, c'était un truc entre deux eaux, entre deux âges finalement. On était sur un délire pareil, machine, modernité, contrôle de la pensée, tous ces trucs-là, il y avait un truc... Il y avait, comment il s'appelle le moineau écarlate, là, putain, non, comment il s'appelle... Non. Non, Game of Thrones. Comment il s'appelle, Max Van... Non, mais non, Sparrow machin, là, moi, je m'en fous de Max Van Stoppen, ah, oui. J'en sais rien, là. On était la sur un. La corneille à trois yeux, elle était de. Non, pas du tout. Mais je sais pas quoi tu parles. Bon, the Ice Sparrow, ou je sais plus quoi. Bon, ouais, je m'embrouille dans mes trucs. Jack Sparrow. Jamais... Et on était sur. Ah oh, putain, ma mère, je suis en train de m'embrouiller, je vais me perdre, je vais pas du tout aller au bout de cette explication là. On était. Comment. Oh putain. Et ça va pas être simple. Ah bah c'est vous. J'ai peut-être changé mon fusil d'épaule. Ah attends parce qu'on est déjà. J'arrive pas à me. Il y a déjà des réponses. Ready Player One. Non, bien tenté. Je vais un peu le bâcler aujourd'hui, hein, je suis désolé, je vais le Jean-Pierre bâcler. C'est voilà, c'était un film, alors j'ai pas compris un moment, j'ai vu au générique un mec des Monty Python, mais dans le film je l'ai pas vu du tout, et ça m'a fait chier parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu plus marrant, et en fait c'était assez dur quoi, il y a des trucs, il y a de la torture à des moments, ça m'a fait phaser. Alors il est un peu bipolaire ce film, parce qu'il y a de la torture et de la bossa nova. Alors t'es là, pum pum pum pum, il y a et en fait il est glauque, alors petite musique trop mignonne, t'as un truc vachement aussi, alors je sais pas si ça nous vendait un petit peu le service public français, mais il y a un truc super bureaucratique quoi, genre paperasse, nanani nanana, c'était un peu chelou, c'était peut-être, il nous dépeignait peut-être un monde si c'était la poste qui gérait le gouvernement, il y avait un truc comme ça, ou je sais pas, ou si c'était la CAF, ou si tout le gouvernement c'était la CAF. Ou le CARSAT, il y avait un truc flippant quoi. Et puis bon bah contrôle de la pensée et tout team, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Hein. Ah bah merci, bah merci. T'es belle mamie Suze. Est-ce que ah non ça c'est sur autre chose. Oui merci. On a trouvé. Et là je pédale dans la smoule hein. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui participent au jeu concours aujourd'hui. Ah 1984. Oui ça aurait pu être 1984 mais j'ai parlé de bossa nova. Dans 1984 on n'est pas encore sur du pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Et d'ailleurs ça c'est du Tom Jobim hein, aussi. Hein. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Donc Joseph Goldwyn Mayer hein, notre. Faudrait qu'on tienne des scores pour savoir ouais. Ça va être qui le vainqueur ultime à la fin du confinement. Hein. Mais c'est Joseph Goldwyn Mayer qui a trouvé, c'était Brazil, de Terry Gilliam. Un film à regarder. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, c'est la période pour regarder des dystopies, là, quand on entend parler des applications qui se font, là, en Corée, sur chaque personne qui a le coronavirus, elle est fichée, et puis quand tu passes devant quelqu'un qui a le coronavirus, son téléphone, il vibre pour te donner une alerte. Enfin, on arrive de plus en plus dans des délires dystopiques un peu flippants, là, donc c'est le moment de regarder. Donc Brazil, Terry Gilliam, c'est sûrement un de ses meilleurs films, d'ailleurs. Donc oui, Terry Gilliam, c'est un Monty Python. À côté de ça, c'est un super réalisateur. Voilà. Oui. Tout à fait. Vous avez un petit film de Terry Gilliam, vous, Doug, que vous préférez, que vous recommandez ? Non, mais c'est celui qui devait réaliser à la base Lost in America, le film avec Jean Rochefort sur Don Quichotte. Oui, ben oui. Il devait faire Don Quichotte et il a fait le documentaire sur ce film raté qui s'appelle Lost in La Mancha. Ah oui, mais ça a été un combat de presque 10 ans, voire plus même avec les producteurs, ça a galéré, été... Galéré. Je pense qu'il a gagné la récompense du mec le plus malchanceux du début des années 2000. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est ça. Le dernier rebondissement, c'était il y a un an tout juste où il a gagné le procès contre ses producteurs. Il y a eu des histoires de droits qui ont duré mais hyper longtemps. Et, mais en plus, il a voulu commencer. Ça a commencé dans les années 90, ce tournage, les premières images. Ouais. Ouais, ouais. Et ah ouais, donc on est sur une galère de 25 ans, quoi. Il y avait Rochefort qui s'est blessé. Ouais, et finalement, ça devait plus être lui parce qu'il était trop vieux au moment où ils ont voulu reprendre le tournage. C'était fini pour lui, quoi. Ça aurait été assez ouf hein, de voir Jean Rochefort en tant que... Don Quichotte, hein, d'ailleurs, aussi. Don Quichotte de Cervantes, un des premiers romans. Dans l'histoire de la littérature, on dit qu'il y a deux romans fondateurs. C'est Don Quixote de Cervantes et Robinson Crusoe de Faux. Voilà, bah, si vous voulez faire de la littérature, bah, c'est de la littérature du 16e, 18e par contre, c'est parfois un peu dense. Donc, ouais, mais faites-vous. 17e plutôt, c'est, voilà, mais c'est intéressant. Moi, je saurais pas choisir pour Terry Gilliam entre. Pardon, je t'ai coupé, Doug. Oui, Doug ? Non, vas-y, je lis après. Non, je disais, moi, je ne saurais choisir de Terry Gilliam entre La vie de Brian, qui co-réalise, et oui. Las Vegas Parano. Ouais, c'est quand même pas la même patte quand il bosse avec les Monty Python que ses films à lui tout seul. Ah, moi, je suis clairement... c'est tellement varié ce qu'il fait que d'en choisir un, c'est compliqué. Dans The Flying Circus et tous les films des Monty Python, c'est lui qui est responsable de toutes les animations graphiques. Ouais, aussi. Notamment dans Fabre Graal avec les dessins type religieux là, ouais. Qui font n'importe quoi. C'est lui qui est responsable et ça, c'est tout ce qui donne la patte complètement what the fuck des... Ah bah de toute façon le mec c'est un putain de couteau suisse. Hein. Bah il a bien géré aussi à la mort du putain du mec qui faisait le Joker là. S. Ledger pour l'Imaginarium et Dr. Parnassus. Ouais. Il a bien géré son coup au final pour modifier les scènes où Heath Ledger était là. Donc voilà, grand film. Bon, bah là-dessus, on va se dire au revoir, les cocos. Ouais. Alors, moi, j'avais juste un truc que j'ai oublié de dire à l'éphéméride que j'avais envie de dire. 14 avril 1976, Pol Pot est nommé Premier ministre au Cambodge et tout le monde sait que. Les Khmers rouges. Pol Pot, ouais. C'est trop mon pote. Ah, ouais, d'accord. On est revenu là-dessus pour cette blague ouais, et pas pour parler des Khmers rouges, du génocide, tout ça. La blague qu'avait fait Toyo à Bobo. Voilà. Pol Pot, c'est trop mon pote. Bon, bah écoutez, bonne journée. Ouais, hein. On se quitte avec... ouais. On se quitte avec de la bossa, encore une fois, qui a tellement voyagé qu'elle a infecté la France, hein, la personne d'Henri Salvador, avec ce morceau qui s'appelle Jardim, donc le jardin d'hiver, mais en version portugais. C'est magnifique. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée, ciao. Ciao. Eu só quero só Edim, pé de manga e de jasmim, muita fita do bom fim, aqui no meu jardim. Eu só quero a luz marfim, afastando o querubim, respirar pelo pim-pim. Aqui no meu jardim, a chuva cai, inundando o capim. Do mesmo céu vem você, querubim. O tempo vai, quanto tempo já foi. Ninguém mais, só nós dois. Quero ver um passarinho subiando tão jubim, cachoeira e mar sem fim, aqui no meu jardim. Quero um cheiro de alecrim, tua beleza te adorei, e te ouvir dizer que sim, aqui no meu jardim. A chuva cai, inundando o caminho, você, querubim. O tempo vai, quanto tempo já foi, ninguém mais, só nós dois. La radio des bons cons, la radio des bons cons finis, mais pas finaux, la radio des bons cons.